إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله j'aimerais remercier avant tout les frères de la mosquée ici qui ont organisé cette dawra, alhamdulillah, ce séminaire, et donc que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la récompense et le succès pour cet effort qu'ils font. C'est quelque chose de très bénéfique et très bien, inshallah, et qu'ils continuent dans cette voie, dans cette ville de Tourcoing. Et on va lire aujourd'hui ensemble le sharh d'une risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Masa'il al-Jahiliya, et c'est le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. C'est le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan du livre Masa'il al-Jahiliya. Le livre Masa'il al-Jahiliya, comme vous allez le voir dans l'introduction du Cheikh, c'est un livre qui parle de plusieurs points parmi les points qui ont été rapportés par les mouchriquines et les kuffars parmi les juifs et les chrétiens pour s'opposer au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est leur shubuhat en fait. Qu'est-ce qu'ils ramenaient comme shubuhat pour justifier le fait qu'ils refusaient de suivre la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez constater en écoutant les différentes shubuhat qui ont été mentionnées par les mouchriquines auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a répondu dans le Coran et auquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu dans la sunna, vous allez constater que ces mêmes shubuhat existent encore aujourd'hui chez les gens qui s'opposent à la religion de l'islam et qui s'opposent au tawhid et à la sunna. Donc vous allez voir beaucoup de choses qui ont des liens qui existent encore aujourd'hui chez ces gens-là. Lorsqu'on les appelle à la vérité, ils vont vous mentionner ces exemples-là. Et alhamdulillah, vous allez voir que les réponses en même temps sont claires, et avec les clarifications du Cheikh Al-Fawzan, ça devient encore plus clair. Et ça me fait penser au verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ » C'est-à-dire, c'est ainsi que les gens ont dit, ceux qui étaient avant eux ont dit, ils ont dit la même chose, et leur cœur se ressemble. Ils ont dit la même chose qu'eux, leur cœur se ressemble. Donc ça veut dire que malgré les différences d'époque, les différences de lieux, les différences de civilisation, peu importe, ils vivaient dans différentes régions du monde, à différentes époques, mais ils ramenaient toujours les mêmes choubouhats pour s'opposer à la vérité. Et aujourd'hui, même encore, dans ce siècle, à notre époque, vous parlez avec des koufars et des mouchriquins, ils vous amènent encore les mêmes shubuhat. C'est pour dire que, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Atawasawbih. Est-ce qu'ils se sont tous concertés pour être d'accord, tous sur ces mêmes shubuhat? On dirait qu'ils se sont concertés. On dirait qu'ils se sont tous réunis quelque part, un bon moment pour dire, bon, quand quelqu'un va nous venir avec les paroles d'Allah, les paroles du messager, on va leur répondre ça. Ils ont tous, comme s'ils ont tous, se sont tous concertés là-dessus. Mais bon, comme Allah SWT a dit, tashabahat qulubuhum, c'est parce que leur cœur se ressemble. Donc on va lire ensemble, on va commencer tout de suite les paroles de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Il commence par l'introduction. Le Cheikh il dit Alhamdulillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية، هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لاذنا للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الشيخ الكمانس أن تزام بسم الله الرحمن الرحيم لوجه الله السيد ديموند إباء إسالي سرسان messager Muhammad, notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles, et sur sa famille, et ses compagnons qui l'ont suivi, hein. Et ensuite, il dit que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans l'introduction de son livre, Masa'il al-Jahiliya, voici quelques points ou quelques questions au sujet desquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a opposé ou a contredit les gens de la Jahiliya, parmi les Kitabiyin, c'est-à-dire ceux qui ont reçu un livre parmi les Juifs et les Chrétiens, et les Umiyin, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas reçu de livre auparavant. Et ce sont des choses que le musulman ne peut s'en passer. Le musulman ne peut s'en passer parce que c'est des connaissances très importantes. Et il mentionne un poème ou un vers dans lequel il est mentionné que les opposés, quand une chose oppose une autre, ça nous aide à comprendre et à réaliser quelque chose. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est le chaud, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est ce que c'est le contraire de ce qui est froid. Si je veux te faire comprendre qu'est-ce qui est la noirceur ou l'obscurité, ben je peux te dire que c'est le contraire de la lumière. Donc, par les choses qui s'opposent, on arrive à comprendre mieux quelque chose. Et c'est ça que veut souligner ce vers de poésie que le Cheikh a mentionné. Et il dit que parmi ce qui est le plus important dans ces différents points et ces différentes questions, parmi les questions de la Jahiliya qui sont mentionnées dans le livre, il y a le fait qu'ils refusent d'avoir la foi dans leur cœur au sujet de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Donc l'absence de foi, l'absence de la foi dans le cœur à propos de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et si on rajoute à cette absence de foi le fait qu'on considère comme étant quelque chose de bien ce qui a été ramené par les gens de la Jahiliya, alors là c'est là que tu arrives à ta perte totale. C'est-à-dire que non seulement tu n'as pas de foi dans ton cœur par rapport à ce qui est ramené de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de ça, ce que les gens de la Jahiliya ont ramené, tu le vois comme étant quelque chose de bon et quelque chose de bien, et tu l'acceptes de leur part. Donc ça c'est, une fois que tu arrives à ce degré-là, yani, t'as le plus grand niveau de la perte. Et il mentionne le verset 52 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont cru à ce qui est faux, et qui ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là sont les perdants. Ceux qui ont cru à ce qui est faux, et qui ont rejeté la foi en Allah, alors ceux-là sont les perdants. Donc, avant de commencer à lire le charh du Cheikh Al-Fawzan à propos de cette petite introduction-là, j'aimerais juste mentionner un point, c'est que ce livre, il a été traduit en français par le ministère des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite. Et malheureusement, la traduction qu'ils en avaient faite, elle était vraiment médiocre, yani, malheureusement. Et donc, je me souviens d'avoir essayé de lire cette risale dans la traduction qu'ils avaient publiée, et j'avais rien compris, yani, de ce qui était écrit dans cette traduction-là. Parce que la façon dont elle avait été écrite ou traduite, c'était pas clair du tout. C'était pas, ça expliquait pas réellement la signification de ce qui est dedans. Et c'est quand je l'ai lu en arabe plus tard par la suite que j'ai réussi à comprendre de quoi il s'agissait et que j'ai vu que c'était vraiment un livre très bénéfique. Donc j'espère que, inshallah, cette petite traduction qu'on fait, ça va aider justement à faire sortir l'importance de ce livre-là, puis le bien qui est dedans. Et en même temps, c'est un rappel pour ceux qui font des traductions, d'essayer de traduire d'une manière qui est compréhensible, pas trop compliquée non plus. Des fois, il y a des gens qui sortent des mots, qui prennent dans les dictionnaires du Moyen-Âge, je sais pas, et que personne aujourd'hui utilise, et ils les ramènent pour montrer leur érudition, puis à quel point ils connaissent bien la langue française, pour copier les orientalistes ou les spécialistes en islamologie, soi-disant. Mais bien entendu, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ce genre de complication du langage, hein, d'utiliser des mots difficiles ou compliqués pour montrer qu'on sait bien parler. Ça, c'est quelque chose qui est mal vu, qui est pas bien vu dans l'islam, malgré que certains pensent que c'est quelque chose de bien. Donc, le cheikh dit al-sharh. هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية تشتمل على 128 مسألة استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والغرض من ذلك تنبيه المسلمين من أجل أن يتجنبوا هذه المسائل لأنها خطيرة جدا. Donc, le cheikh, il explique encore, il dit que c'est une risale du cheikh Mohammed Abdul Wahhab qui s'intitule les questionnements de la jahiliya, ou des gens de la jahiliya, au sujet des choses dans lesquelles ils ont contredit, ou dans lesquelles, au sujet des choses dans lesquelles le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a contredit les gens de la jahiliya. Et, c'est une risale qui comprend 128 mas'alas, 128 points. Parmi les points que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rassemblé et a résumé. Et il les a tirés du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama. Donc, le but de ces masa'il, de ces questions, c'est de faire prendre aux musulmans conscience et de prendre leur attention et aller sur ces points-là pour qu'ils puissent s'écarter de ces شبهات de la part des mushrikines, parce que ce sont des شبهات qui sont très dangereuses. وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى, لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام, والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, فلذلك سموا بأهل الكتاب, وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديمة, ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد, هذا في اصطلاحهم, وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين وهما موسى وعيسى عليهما السلام, لا سيما التوراة فإنها كتاب عظيم والإنجيل مكمل لها ومصدق لها, ولذلك سموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a clarifié donc ces différentes questions par rapport aux choses dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit les gens de la jahiliya, qui sont les gens du livre, et les umiyyin, ceux qui n'ont pas reçu de livre. Les kitabiyoun, ce sont ceux qui ont reçu un livre, comme les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils ont reçu la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la Torah sur Moussa alayhi salam. Et les chrétiens, ils ont l'Injil, et c'est le livre qui a été révélé sur Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre. Et aujourd'hui, ils donnent à ces livres-là le nom de l'Ancien Testament pour la Torah et les autres livres, et ils appellent l'Injil le Nouveau Testament. Ça, c'est les terminologies qu'ils ont inventées. Toutefois, il y a un point qu'il faut comprendre, ou qu'il faut mettre une petite note ici, c'est que l'Injil qui existe aujourd'hui chez les chrétiens et la Torah qui existe aujourd'hui chez les juifs, eh bien, c'est pas l'original de ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam et l'original de ce qui a été révélé à Isa alayhi salam. Au contraire, ce sont des livres qui ont été manipulés et falsifiés par les juifs et les chrétiens, justement. Donc, c'est très important de comprendre que ils n'ont plus l'original de ce qu'ils ont reçu à l'origine. Donc, le Cheikh dit, ce sont deux parmi les grands livres qu'Allah a révélés sur deux nobles parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa et Issa, qu'Allah leur donne que le salut d'Allah soit sur eux. Et en particulier la Torah, c'est un livre très important, très grand, et l'Injil, et il est venu compléter la Torah et y mentionner que c'est un livre qui est véridique, et y aller confirmer ce qui était révélé dedans. ولذلك سموا أهل الكتاب et c'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre pour distinguer entre eux et entre les autres qui n'ont pas reçu de livre. أما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين سموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فإنهم قوم يقرؤون ولا يكتبون لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن فلذلك سموا بالأميين وكما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وكما قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهذا معنى الأميين ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي قال تعالى والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته وفي ذلك معجزة له فالعرب أميون ونبيهم أمي sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh dit, en ce qui concerne les Ummiyoun, hein, ce sont ceux qui n'ont pas reçu de livre. Qu'est-ce qu'on veut dire par les Ummiyoun? On veut dire les Arabes, ceux qui n'avaient pas, qui ne suivaient pas une des deux religions précédentes, les Juifs et le judaïsme et le christianisme. On les appelle Ummiyin, c'est le pluriel de Ummi, et par référence à la mère. Hein. Et l'Ummi c'est qui? C'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est quelqu'un qui est analphabète. Et donc ils ne lisent pas et ils n'écrivent pas en général. Hein. Il y en a parmi eux qui peut-être qui savent lire et écrire, mais c'est pas une caractéristique qui distingue la majorité d'entre eux. Donc il dit avant, ils n'avaient reçu aucun livre révélé avant le Coran. Et c'est pour ça qu'on les appelle des Ummiyin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle ainsi dans le Coran, dans Surat al-Jumu'ah, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a fait venir parmi les Ummiyyin un messager d'entre eux parmi les Ummiyyin pour être un messager parmi eux. Donc il a suscité parmi eux un prophète, parmi les Ummiyyin. Et il mentionne dans le verset 44, dans Surat al-Saba, il dit, on ne leur avait pas donné de livres qu'ils étudiaient auparavant, et on ne leur avait pas envoyé non plus d'avertisseurs. Et il mentionne aussi dans le verset 6, dans surat Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est pour que tu avertisses un peuple dont les pères n'ont jamais été avertis auparavant, alors ils sont dans l'insouciance. Hein. Et donc ça c'est la signification de Al-Ummiyoun, ou Al-Ummi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran comme étant un prophète qui est ummi, hein, qui ne sait ni lire ni écrire, comme c'est mentionné dans le verset 157 dans Surat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des mu'minines, ceux qui suivent le messager, le prophète analphabète, le prophète qui ne sait ni lire ni écrire, qu'il retrouve écrit dans, ou mentionné par écrit dans la Torah et dans l'Injil, qui leur ordonne le bien et qui leur interdisent le mal dans Surat al-A'raf. Donc, le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sache ni lire ni écrire, comme c'est mentionné dans le Coran, et en plus qu'il a ramené cette révélation, ce livre, le Coran, et bien ça c'est une preuve de la véracité de son message. Hein, puisque quelqu'un d'illettré ne peut pas venir avec un livre pareil. Et donc ça c'est une des preuves qu'il est véridique dans son message et c'est un miracle pour lui. Hein? C'est un miracle pour lui. Donc les Arabes sont des Ummiyoun à la base. Hein? Et leur prophète est un prophète Ummi. أما الجاهلية فالمراد بها نسبة النسبة إلى الجهل والجهل عدم العلم والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il dit en ce qui concerne le terme jahiliya, le mot jahiliya, hein, et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un mot qui s'apparente à l'ignorance. C'est relié à l'ignorance parce que dans le mot jahiliya, il y a le mot jahl. Le mot jahl, c'est l'ignorance, c'est l'absence de science, l'absence de connaissance. Donc, al jahiliya, c'est la période dans laquelle il n'y a pas de messager. Quand on parle de l'ignorance, on ne parle pas de n'importe quelle ignorance. On parle de l'ignorance de la guidance, l'ignorance de la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ignorance hein, de ne pas connaître le message d'Allah, de ne pas connaître le tawhid, de ne pas connaître hein, la guidance qui vient des prophètes. Donc c'est de cette ignorance-là qu'on parle. Sinon il y a d'autres individus qui peuvent être très savants dans plein d'autres aspects de la dunya, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sortent de la jahiliya. Ils sont tout de même considérés comme étant des jahiliya, des gens dans la jahiliya ou qui ont de l'ignorance en eux. D'accord? Donc, le cheikh, il explique, il dit donc qu'on parle de la jahiliya. Quand on parle de la jahiliya, c'est la période dans laquelle il n'y a pas de messager, il n'y a pas de livre. C'est de ça qu'on parle. Et donc, en général, on parle de la période avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 dans sourate Al-Ahzab à propos des femmes, il dit wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Et restez dans vos demeures, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux femmes, et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas de la manière dont les femmes s'exhibaient dans la jahiliyyah. Et bien entendu, la façon dont les femmes s'exhibaient dans la jahiliya, ça a été décrit dans les paroles des ulama, hein, dans les livres de tafsir. Et il y a des exemples très clairs de formes de tabarruj, de formes d'exhibition qui existaient hein, à l'époque. Et ça, c'est décrit bien clairement dans les livres de tafsir. Et quand on lit ces descriptions-là, on retrouve exactement les formes de tabarruj qu'on retrouve aujourd'hui dans les sociétés des gens qui ne suivent pas la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne l'habillement des femmes et en ce qui concerne le comportement des femmes. Elles font la même sorte de tabarruj que le tabarruj qui existait avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, et même parfois elles font des formes de tabarruj qui sont bien pires encore. Yani, hein, c'est-à-dire le tabarruj qui était fait avant la période du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد لأن الرسالات السابقة اندرست فاليهود حرفوا كتابهم التوراة وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي أدخلوها في التوراة وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على عيسى عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit c'est parce que à l'époque avant l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le monde entier était sous disons était noyé dans l'égarement, dans la mécréance et dans la déviation par rapport à la religion. Et les messages qui avaient été envoyés auparavant, eh ben, ils s'étaient dissipés. C'était dissipé, ils avaient été mélangés entre le vrai et le faux. Et les Juifs avaient falsifié leurs livres, la Torah. Et ils ont entré dans ces livres-là beaucoup de formes de coufre et d'égarement. Hein, et beaucoup de choses laides, ils ont fait rentrer dans la Torah. Et ils accusent leurs prophètes dans la Torah, par exemple, de toutes sortes de péchés, hein, et toutes sortes de choses laides que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Hein. Donc, ça c'est des exemples que si les gens ils ont des choses comme ça dans leur livre à propos de leur prophète, et même par la suite, ils prennent ces exemples-là comme exemple, puis ils disent par la suite, ben, si c'est le cas des prophètes, et que les prophètes faisaient ça, alors on peut faire ce qu'on veut par la suite. Hein. Donc c'est dans le but de salir l'image des prophètes. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des exemples de ce qui est écrit dans leurs livres par rapport à ces choses-là. Regardez, je préférerais éviter de les mentionner parce que c'est vraiment dégoûtant, mais c'est juste pour vous dire, Allah al-Musta'an. De même que les chrétiens, dans l'Injil, il y a eu beaucoup de déformations, et ils ont falsifié leurs livres par rapport à ce qui était écrit dans leurs évangiles. Et donc, qu'est-ce qui est connu aujourd'hui comme étant des évangiles chez les chrétiens, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'évangile qui avait été révélé à Isa alayhi salam. C'est complètement différent. Et donc, tout ça, ça indique qu'il n'y avait plus de révélation à cette époque-là. Il n'y avait plus de guidance. Les gens qui voulaient, même ceux qui voulaient suivre la vérité, ils n'avaient aucun moyen, aucun endroit vers qui retourner, aucun lieu vers qui retourner pour s'accrocher à quelque chose de vrai, parce que il y avait beaucoup de confusion par rapport à la révélation même. وذلك أن رجلا يقال له بولس أو شاول كان يهوديا حاقدا على رسول الله عيسى عليه السلام وهذا الرجل لجأ إلى المكر والخداعة أو الخديعة في إفساد دين المسيح عليه السلام حيث أظهر الإيمان بالمسيح أنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح وأنه رأى رؤيا بزعمه فآمن بالمسيح وصدقه النصارى فيما قال ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله على عيسى فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات حيث أدخل فيه عقيدة التثليث أي أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله أو هو الله أدخل فيه الأمر بعبادة الصليب وأدخل كفريات شنيعة وصدقوه في ذلك على أنه عالم على أنه مؤمن ولقبوه بالرسول بولس أي رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح وحصل له ما أراد فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث واعتقاد أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة وأدخل فيه وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك. Le cheikh il dit ensuite que la façon dont la corruption est entrée dans les livres des chrétiens et dans les enseignements du christianisme et des chrétiens, c'est l'exemple d'un dénommé Paul, qu'on appelait Shaul. Avant il s'appelait Paul, il s'appelait Shaul, il a changé son nom pour Paul par la suite, c'est ça. Et donc il était juif et il avait une haine contre le messager d'Allah. Isa alayhi salam. Et donc cet homme, il a utilisé la ruse, la tromperie pour faire corrompre la religion de Jésus alayhi salam. Ok. Et donc il y a des historiens qui mentionnent justement à propos de Paul, ils disent que c'était à son époque un juif mais qui avait la nationalité romaine. C'était un juif à son époque qui avait la nationalité romaine et il avait étudié avec le plus grand rabbin de son époque. Il a étudié la religion juive avec un des plus grands rabbins de son époque. Donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien la loi juive, et non seulement ça, il était un citoyen avec la citoyenneté, parce qu'à l'époque, la Palestine était colonisée par les Romains, donc c'était une colonisation, donc les Juifs étaient sous la colonisation des Romains, et lui, il avait pris la citoyenneté romaine. Donc, et il avait non seulement pris la citoyenneté romaine, mais il a étudié le droit romain. Donc c'était en plus quelqu'un qui était informé et qui connaissait bien la loi romaine également. Donc il a utilisé justement sa connaissance de la religion juive et de la loi romaine et de beaucoup d'autres connaissances des croyances de l'époque chez les Grecs et autres pour justement corrompre les enseignements de Isa alayhi salam. Et mélanger ça avec toutes sortes de formes de paganisme, de shirk, de kufr. Et comme par exemple, il est allé voir les chrétiens, puis il a montré qu'il avait des remords d'avoir fait du tort aux chrétiens ou à ceux qui avaient cru en Isa alayhi salam. Donc au début, il les a torturés, il leur a fait du tort. Puis il a dit qu'il a vu une vision sur un chemin, puis que Jésus lui a parlé, il lui a demandé « pourquoi tu me persécutes ?» ou des choses de ce genre. Soit disant, il est revenu par la suite à la vérité, et que Jésus l'a chargé d'un message, d'une mission. Donc il est parti par la suite, et il a fait croire que ça y est, maintenant il avait cru en Al-Messih, et qu'il avait des remords pour ce qu'il avait fait auparavant, et qu'il croyait maintenant en Al-Messih. Et les chrétiens l'ont cru. Puis, il a commencé à déformer les enseignements que Isa avait enseignés dans Al-Injil. Il a, comme j'ai dit, incorporé toutes sortes de formes de shirk et de kufr dans les croyances, comme la Trinité. Les chrétiens, ils ont une notion à propos de Dieu, ils croient que Dieu est trois en un. Ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils disent que ces trois-là forment un seul. Et donc, ils croient que Jésus est Dieu, et ils sont fils en même temps. Et ils croient en un Esprit Saint, ils disent aussi que ça fait partie de Dieu ou que c'est Dieu. Donc, ça c'est la croyance des chrétiens, de l'Église catholique, et des protestants aussi, par rapport à Dieu. Ils le divisent en trois, puis ils disent que les trois forment un. D'accord? Donc ça c'est la première forme de kufr et de shirk qu'il a incorporé dans la religion. De Isa alayhi salam n'a jamais parlé de cette affaire-là, de cette chose-là. Isa, sa da'wa et sa foi, c'était le tawhid. Hein? Et il s'est basé, à chaque fois quand il parlait de Dieu, il ramenait toujours les 10 commandements. Et le premier des 10 commandements, c'est « Un seul Dieu, tu adoreras. » Hein? Et il a dit que tout ce qui est fait comme représentation ou image de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer, on n'a pas le droit de le faire comme représentation. Vous ne ferez aucune image sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Encore aujourd'hui, chez les Juifs et les chrétiens, s'ils retournent dans l'Ancien Testament, soit dans Deutéronome ou Lévitique, ils vont trouver cet endroit-là où c'est mentionné. Hein, le premier des 10 commandements, c'est qu'un seul Dieu tu adoreras, et tu dois faire aucune représentation sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Donc ça c'est clair, hein? Mais aujourd'hui tu rentres dans une église catholique et tu ne trouves que des images sculptées, que des images gravées, que des dessins et des icônes et des croix et des statues, et les gens qui s'agenouillent devant et qui prient et qui leur offrent des formes d'adoration et du shirk. Hein? Donc des fois tu peux entrer dans ces églises-là, tu te demandes, est-ce que je suis dans un temple hindou ou bien je suis dans une église, hein? Parce que c'est la même chose. Et quand une fois j'ai mentionné ça à des chrétiens, je leur ai dit, mais c'est quoi la différence entre votre religion et la religion des hindous? Ils ont dit, non, c'est pas la même chose. Mais ils ont pas été capables de ramener aucune preuve pour montrer qu'il y a une différence. Parce que là-bas c'est la même chose, hein? Le shirk, c'est le shirk. Hein? Donc, la première chose c'est At-Taslim, hein, la Trinité. Ils disent que Allah est le troisième des trois. Ils disent il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent que Isa est le Fils d'Allah. Et ils disent qu'il est Allah en même temps. Et déjà ça c'est une contradiction. Comment quelqu'un peut être un père et un fils en même temps, hein? C'est normal que si quelqu'un il a un fils, c'est sûr que lui il était avant son fils. Eux ils disent non, les deux sont éternels, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Hein? Donc déjà ça c'est absurde, c'est impossible. Hein? Et déjà même dans les paroles de Isa alayhi salam, si vous regardez dans qu'est-ce qui est aujourd'hui présent, même dans les livres des chrétiens, le livre qui est falsifié aujourd'hui, il y a plein de mentions de la part de Isa qui sont mentionnées, qui réfutent même ses croyances en la Trinité. Hein? Quand un homme est venu voir Jésus, il lui a demandé, quand est-ce que va venir l'heure du jugement dernier? Il a répondu, nul ne sait l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, seul Dieu sait l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si lui est le Fils, si lui il prétend que lui c'est le Fils de Dieu, même le Fils il ne sait pas l'heure. Donc si le Père et le Fils sont la même personne et qu'ils forment un, comment un peut savoir quelque chose sans que l'autre le sache? C'est impossible. Et dans un autre passage, c'est écrit le père est plus grand. Le père est plus grand que le fils. Donc ça prouve qu'ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas pareils, s'ils prétendent qu'il y a une égalité entre les trois. Et il y a d'autres versets aussi dans lesquels quelqu'un est venu voir Isa alayhi salam et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répond « Ne m'appelle pas bon, seul Dieu est bon. » C'est-à-dire, il dit clairement que lui, il n'a rien à voir avec cette divinité-là. Et il y a plein d'autres preuves et plein d'autres exemples et plein d'autres arguments comme ça qui réfutent même leur notion de trinité dans la Bible. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, aujourd'hui, des fois, tu parles avec certains chrétiens, tu lui dis, vous croyez que Jésus c'est Dieu? Ils vont dire, non, on ne croit pas que c'est Dieu, on dit que c'est le Fils de Dieu. Sauf qu'ils disent que le Fils, c'est Dieu, le Père et Dieu, le Fils, les deux sont un. Et que, en même temps, donc, que Dieu est devenu homme. Ils disent que Dieu s'est fait chair. Ils disent que Dieu, Dieu, il est rentré dans le corps d'un être humain, il est devenu de la chair. C'est ça qu'ils disent. Ça, c'est la religion des Hululiyyin, parmi les soufis, qui croient que Dieu peut devenir, peut rentrer dans certains êtres humains, parmi les Salihin. Ou bien ceux qui croient en Wahdatul Wujud, que Dieu est dans toutes choses. Ça, c'est des exemples. Il y a des, parmi les ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, il y en a qui ont les mêmes croyances que les chrétiens, et il y en a qui ont même des croyances pires que les chrétiens. Comme un des shuyukh, une fois, il parlait de ce sujet-là une fois, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos des chrétiens que ce sont des kuffars, des mushrikins, parce qu'ils disent que Dieu est en Isa, alayhi salam, alors que dire de celui qui dit que Dieu est dans tout? Il est encore plus mushrik, il est encore plus kafir. Et là, la majorité des turcs soufis aujourd'hui, ils enseignent cette croyance-là. Donc ça, c'est un exemple. Après, qu'est-ce qu'il dit? أدخل فيه الأمر بعبادة الصليب. Il a incorporé également dans les enseignements d'Isa le fait d'adorer la croix. Parce que Isa alayhi salam n'a jamais dit aux gens adorer la croix. Il n'a jamais pris non plus la croix comme un symbole pour que dire aux gens vous devez porter ça sur vous, ça va vous protéger de quelque chose, d'un mal ou des choses de ce genre. Ça c'est des gens qui ont inventé ça. Ça n'a rien à voir avec le message d'Isa alayhi salam. Et ils ont également fait rentrer dans son enseignement plein d'autres formes de shirk et de kufr. Et eux, ils l'ont, les chrétiens de cette époque-là, les premiers chrétiens, ils ont cru en lui et ils l'ont suivi. Ils ont pensé que c'était un savant et ils l'ont appelé le messager de Isa. Le messager de Isa. Et donc, alors que lui, en réalité, son intention et son but, c'était de corrompre la religion de Isa alayhi salam. Un petit peu comme Abdullah ibn Saba al-Yahoudi, le Yéménite, qui s'appelait Abdullah ibn Saba, qui est venu parmi les musulmans après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de corrompre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, et d'appeler à l'extrémisme et à l'exagération au sujet de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et qui a fondé en fait les bases de la croyance des Shi'as et des Rafidah. Donc, la religion des chiites, c'est un petit peu la même chose qu'est-ce que Paul avait essayé de faire avec les chrétiens. Sauf qu'il essaie de le faire avec les musulmans. Et on voit que malheureusement, il a réussi à égarer une grande partie de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui avec les croyances des chiites. Rafida. Allah musta'an. Donc, ça c'est des exemples. Après, le cheikh il dit, وَحَصَلَ لَهُ مَعْرَدْ. Donc il a réussi à atteindre son but, il a corrompu la croyance de Isa, il a fait rentrer dedans des croyances de paganisme et de trinité, et de faire croire aux gens que Isa c'est le fils de Dieu, ou qu'il est un des trois, parmi les trois qui forment la divinité, et il a fait rentrer également des formes de paganisme et toutes sortes de fausses croyances qui sont très proches des croyances des mouchriquines auparavant. Comme par exemple, faut se souvenir, il faut se rappeler d'un point important aussi, c'est que les Romains à l'époque, ils n'étaient pas encore chrétiens, l'Empire romain n'était pas encore devenu chrétien, c'est 325 ans après, avec l'empereur Constantin, que le christianisme a été établi comme religion de l'Empire romain à l'époque de Isa alayhi salam, puis après, c'était pas encore un empire chrétien. Donc, eux, ils avaient une religion avant, ils avaient des croyances avant, ils adoraient des statues, ils adoraient des étoiles, ils adoraient toutes sortes de choses en dehors d'Allah, comme les Romains, comme les Grecs, les Grecs qui adoraient les étoiles, qui adoraient les statues, qui adoraient des dieux. Ils croyaient que Dieu avait des enfants, qu'il avait des femmes, qu'il avait des fils, qu'il avait des... Hein? Donc Zeus et les dieux de l'Olympe et tous ces trucs-là, le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, le dieu de ci et ça. Et ils croient qu'ils prenaient des femmes et ils avaient des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là devenaient des demi-dieux. Hein, puis ils avaient des dons et des trucs de ce genre, comme Hercule, puis des trucs comme ça. Donc ça, ça faisait partie de leur croyance. Et donc c'était facile pour eux d'incorporer ça avec mélanger les croyances de Isa alayhi salam avec les croyances de ces païens-là pour leur faire croire, hein, Dieu qui a un fils, qui prend une femme, il lui fait faire un enfant, des trucs de ce genre, puis des trucs de ce genre, hein, que Dieu c'est le fils de Dieu. Ils ont accepté ces croyances-là facilement parce qu'ils étaient déjà, hein, adaptés, yani, ou, yani, prêts à accepter ces idées-là à cause de leurs croyances de shirk qu'ils avaient déjà auparavant. Et ces croyances-là se sont propagées par la suite dans l'Empire romain, c'est devenu la religion de l'État, puis le reste de l'Europe après, qui n'était pas encore sous l'emprise de l'Empire romain, ben, comme la France, puis l'Angleterre, puis les autres régions de l'Europe qui étaient à l'époque en dehors de l'Empire romain, ben, ils avaient des croyances païennes aussi, croyant en les esprits, croyant en les arbres, croyant en toutes sortes d'autres formes de shirk, hein. Et c'est après que l'Empire romain s'est, agrandi, ils ont incorporé ces différentes régions-là, ces différentes parties-là de l'Europe dans l'Empire romain, puis ils ont fait entrer avec ça leur religion, c'est-à-dire la religion catholique, hein. Et c'est ça qui a fait que par la suite, ces mêmes peuples-là ici, comme les Français et les autres, ils ont mélangé aussi leurs croyances de shirk avec les enseignements de l'Église, et avec le pape et tout ce truc-là. Donc ça, c'est, on peut dire en fait que le pape, c'est le prolongement de l'Empire romain. Et ça, il a continué à être celui qui a géré, hein, les affaires de l'Empire romain, mais sauf, même si l'Empire romain était écroulé, mais avec l'Église catholique, ça continue encore avec son emprise aujourd'hui. Bon, Allah Mustaan. C'est important quand même de savoir ces petits détails-là parce que ça nous aide à comprendre quand même beaucoup de choses. Hein. Même les chrétiens aujourd'hui, s'ils vous disent, les Français, ils disent, nous on est catholiques, on est chrétiens, hein, vous pouvez leur dire, écoute, avant d'être chrétien, vous étiez quoi? Et qui est-ce qui vous a fait rentrer le christianisme en Europe? C'est les Romains. Est-ce qu'ils sont venus avec la paix? Est-ce qu'ils sont venus avec accepter le christianisme? Ils sont venus avec l'épée. Ils les ont forcés à devenir catholiques. Hein, et ils ont dû accepter ça par la force. Ils ont abandonné leur croyance païenne et leur shirk pour une autre forme de shirk. Hein. Donc, changer un shirk pour un autre shirk. C'est comme chez nous, hein, par exemple, le pays de mon père en Haïti. Eh ben, il y a beaucoup d'Haïtiens, ils disent catholiques. Et la 100% presque de la population en Haïti, ils disent catholiques. Mais dans leur pratique, dans leur croyance profonde, ils sont tous des vaudouisants. C'est-à-dire, ils croient tous en des esprits, en des djinns qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils pratiquent le vaudouisme. Eh ben, ils mélangent les esprits des djinns et ils leur donnent des noms de l'Église catholique parmi les saints. Donc, quand ils adorent les images des saints, en réalité, ils adorent pas les saints, ils adorent les djinns et les shayatins. Mais ils font croire aux gens, ils faisaient croire aux prêtres et aux gens de l'époque qu'ils étaient en train d'adorer ces saints-là pour continuer à cacher leur vraie croyance. Parce que s'ils étaient trouvés en train de pratiquer le bouddhisme, ils allaient les tuer. Donc, ils ont trouvé cette méthode. Et en Afrique, vous avez la même chose. Beaucoup de catholiques, des gens, des chrétiens, ils disent chrétiens alors qu'en réalité, ils pratiquent d'autres choses. Hein? Ils pratiquent des croyances païennes, des croyances animistes qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais ils mélangent ça avec le christianisme. Et il y en a parmi les musulmans qui ont fait la même chose, malheureusement. Ils mélangent l'islam avec des croyances de shirk qu'ils avaient auparavant, et c'est pour ça qu'ils sont tombés maintenant dans l'adoration des saints, l'adoration des tombes, hein, et toutes sortes d'adorations des autres formes de gris-gris et de trucs de ce genre, de sihr, hein, de magie, de choses comme ça. Donc, on voit que l'histoire, en fait, ça se répète tout le temps. mais alhamdulillah, il y a toujours des ulama et des du'as qui ramènent les gens à la pureté de la, du message des messagers et du tawhid pour clarifier aux gens la vérité du mensonge. Donc le chef il dit وهذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح ولكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. Donc le cheikh il dit, ça c'était l'état des gens du livre avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excepté un petit nombre d'entre eux qui étaient encore sur la religion correcte, et il y a une note en bas qui dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que ce groupe-là qui était sur la religion correcte de Isa, ils ont disparu avant la, un peu avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Excepté, donc, il dit que la majorité, ils étaient dans le kufr et dans la déviation, ils avaient quitté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah. أما العرب فكانوا على قسمين. قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة. الشيخ يقول en ce qui concerne les Arabes, ils étaient de deux catégories. Une catégorie qui suivait les religions précédentes, comme le judaïsme, le christianisme et la religion des Majus, des Perses de l'époque. Et une autre catégorie qui était sur la religion qu'on appelle Al-Hanifiya, c'est-à-dire la religion d'Abraham et d'Ismaïl. Ibrahim ou Ismaïl, c'est-à-dire le pur monothéisme. Et ça c'est en particulier dans Hijaz, c'est-à-dire la région qui longe la mer Morte, en Arabie Saoudite et en particulier à la Mecque. إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعي كان ملكا على الحجاز وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح وذهب إلى الشام للعلاج فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك وجاء من الشام بأصنام معه ولقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح يعني ود وسواع ويعوث ويعوق ونصر وغيرها وكان الطوفان قد طمسها ودفنها وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها وقبلوا منه ذلك ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيب السوايب للأصنام من بهيمة الأنعام ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يعني يجر أمعاءه في النار. Donc, comme on a expliqué, il dit que les Arabes, donc il y avait ceux qui étaient sur les religions précédentes, puis il y en a qui étaient sur la religion d'Ismaïl et Ibrahim et Ismaïl qui étaient sur Al-Hanifiyya. Et jusqu'à ce qu'arrive un homme qui s'appelait Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuzai, qui était le roi du Hijaz à l'époque. Et c'était un homme qui montrait beaucoup de piété, d'adoration, de bien en lui, hein, et il était allé dans la région de la Syrie pour se faire traiter pour un problème de santé, et il a trouvé que les gens de la région du Cham, hein, de la Syrie, ils adoraient des idoles. Alors il a trouvé que c'était quelque chose de bon, lui ça, il a trouvé ça correct. Alors il a ramené des idoles avec lui de la région de cette partie du monde, il a ramené des idoles avec lui. Et une fois qu'il est arrivé, il a trouvé aussi, le shaitan lui a inspiré les endroits où trouver les idoles du peuple de Noé, qu'ils adoraient à son époque, qui avaient été enterrées par les déluges et les différentes inondations. Donc il a creusé pour les faire sortir, puis le shaitan donc l'a inspiré pour faire ça, et puis divisé entre les différentes tribus des Arabes de l'époque pour qu'ils commencent à les adorer, puis il leur a ordonné de les adorer. Et donc, c'est ainsi que le shirk est entré dans la péninsule arabe à l'époque, dans les pays des Arabes. Et il a donc, Amr ibn Luhay, c'est lui qui a changé la religion d'Abraham, c'est lui qui a amené le shirk dans cette région-là à l'époque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit justement à son sujet qu'il l'a vu dans l'enfer en train de traîner ses entrailles, de traîner ses tripes et aller dans l'enfer à cause de ce qu'il avait fait. Et il y a juste une chose aussi que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que à notre époque, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que les koufars, ils vont dans chaque pays, dans chaque région du monde, et ils font revivre les anciennes formes de jahiliya qui existaient. Quand ils vont en Égypte, ils font rénover les pyramides et les anciennes statues. Hein. Quand ils vont en Irak, ils font reconstruire les anciennes statues que les gens adoraient avant. Quand ils vont en Afrique, ils essaient de faire revivre les anciennes croyances et les anciennes religions qui existaient, qui ont été oubliées. Hein. Et comme ça, ils font ça, ils font la même chose partout. Hein. C'est comme si on dirait qu'ils veulent dire aux gens, vous êtes musulmans, mais avant vous étiez dans des religions de shirk, il faut revenir à ces religions de shirk et abandonner le tawhid, abandonner l'islam. Donc ça c'est grave, Yanni. Il faut faire attention à ces choses-là, parce qu'ils ramènent ça au nom du patrimoine humain, au nom de soi-disant l'UNESCO et toutes ces choses-là, Barakallahu fik. Donc ça c'est une ruse du shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, il nous a averti que lors du jugement dernier, il va pas venir jusqu'à ce que des gens dans la péninsule arabe recommencent à adorer les idoles. Et donc ça nous fait comprendre qu'il y a un moment où les gens vont revenir à l'idolâtrie encore une fois. Et même si aujourd'hui, bon, il y en a déjà du shirk dans l'adoration de certains dans les pays musulmans qui adorent des tombes, mais là ce ne sera plus des tombes, ce sera des vraies idoles, des vraies statues comme les gens adoraient auparavant, ça va revenir comme c'était. Hein? Allah al-Musta'an. فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين الكتابيون والأميون وغيرهم وسائر أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين الحق ولكنهم انقرضوا قبل البعثة فأصبح الظلام حالكا في الأرض وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وفي هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل ودروس وآثار الرسالات السماوية بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il dit que donc comme on a dit tout à l'heure à l'époque avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم les gens étaient dans l'égarement évident. Les gens du livre, les Omiyin et les autres, ils étaient tous dans l'égarement, excepté, comme on a dit, un petit groupe parmi les gens du livre qui étaient encore sur la vérité, mais ils sont tous disparus avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'obscurité totale est apparue sur la terre à partir de ce moment-là. Il n'y avait plus du tout de guidance. Et c'est mentionné dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là a regardé à tous les habitants de la terre et il les a tous détestés, les arabes et les non-arabes, excepté un petit groupe parmi les gens du livre, comme c'est mentionné dans le hadith. Et donc, dans toute cette obscurité, dans ces ténèbres, hein, dans cette jahiliya, et dans ce mélange de toutes les voies, hein, et dans cette perte de toutes les traces des révélations célestes, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 164 dans surat Al Imran, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait une faveur aux croyants en faisant venir parmi eux un messager d'un parmi les leurs qui leur récite ses signes et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient certes dans un égarement évident. Donc, avant la venue du prophète, ils étaient dans un égarement évident. والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فهو مذموم فإنه مذموم لأن ولهذا قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج وهو إظهار الزينة في السوق وفي الأسواق أمام الناس لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها كما في الطواف عندهم يرون أن هذا من المفاخر الله المستعان donc le cheikh il dit que quand on utilise le terme jahiliya ça revient ou ça s'apparente au terme de l'ignorance à l'ignorance c'est-à-dire l'absence de science l'absence de connaissance et toute chose qui est attribuée ou qui est reliée à la jahiliya automatiquement ça veut dire que c'est quelque chose qui est blâmé qui est blâmable il n'y a rien de louable dans qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit telle ou telle chose fait partie de la jahiliya alors automatiquement ça veut dire que cette chose-là elle est blâmable elle est mauvaise et c'est pour ça que le Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 dans sourate al-ahzab wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit à la femme de faire le tabarruj des femmes de la jahiliya. Et c'est-à-dire que Allah interdit aux femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire le tabarruj, et à toutes les femmes également de le faire. Et le tabarruj, c'est quoi? C'est de faire paraître les atours, de laisser montrer les atours de la femme dans les marchés, dans les places publiques. Lorsque la femme sort de chez elle, hein, elle se couvre pas correctement. Elle laisse montrer de son corps les parties qui attirent les hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle le tabarruj. Également, le tabarruj, ça peut être aussi fait de d'autres manières. Aussi, ça peut être fait dans la façon de marcher, la démarche de la femme. Ça peut être fait également dans sa façon de parler. Elle peut changer sa voix pour attirer également. Donc, tout ça c'est des formes de tabarruj. Hein? Et ça, c'est des choses qui font partie de la jahiliya, que les femmes, avant l'islam, elles faisaient ces choses-là. Même que, le cheikh dit même que, à l'époque du prophète, avant l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elles se dévoilaient même leur partie intime, hein, elles montraient même leur partie intime, hein, et elles allaient même faire le tawaf autour de la Kaaba sans aucun vêtement sur elles. Allah musta'an. Donc, ils pensaient que c'était quelque chose qui amène la fierté pour eux hein, de faire ça. Hein. Et aujourd'hui, on a la même chose ici. Les gens qui pensent que c'est la fierté de se montrer sans vêtements dehors. Hein. Et donc, on voit que ça, c'est la jahiliya, clairement. Et les koufars, ils essaient de montrer comme si que hein, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de faire ça, il hein, n'y a rien de mal, etc. Mais bien entendu, ils le savent très bien parce que ça fait partie de la nature humaine. Hein. Et puis ils se mettent en colère, les kuffars, ils détestent quand tu mentionnes le fait que il y a beaucoup de perversité, beaucoup de tabarruj dans la société, puis que ça a un lien avec la multiplication par exemple des viols, ou que ça a un rapport avec la propagation du sida, ou bien avec le fait qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, ou bien de délinquance, ou bien de zina, ou de yani, beaucoup de choses de ce genre. Ils veulent pas qu'on fasse un lien entre ça et ça. Alors que le lien, il est clair. Mais ils veulent pas l'admettre. J'ai entendu des fois des koufars qui se mettent en colère et des fois ils citaient juste le fait que quelqu'un ait mentionné des liens entre ces choses-là. Ils font uniquement le citer sans même le réfuter, sans même ramener d'arguments pour prouver que c'est faux. Ils font juste le citer pour essayer de dire, regardez, ils font des liens entre ça et ça. Comme si le simple fait de mentionner qu'on fait un lien, ça suffisait pour nous discréditer, ou pour montrer que ce qu'on disait, c'était pas sérieux ou pas logique. Alors que le lien, il existe, il est clair, il est évident. N'importe quel individu qui a un minimum de compréhension, de sens, ou d'analyse, ou de logique, il voit qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là. Mais, comme si, quand ils veulent pas admettre la vérité, ni leur cœur a été aveuglé, et donc ils restent dans leur ignorance à cause de ça. الشيخ يقول ensuite وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار حصل بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل واحد منهم دعا قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة، يعني الاعتزاء بالقبيلة، لأن المؤمنين كلهم إخوة، لا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا بين قبيلة ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد، والبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الواجب على المسلمين أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية. الشيخ يزيد دونك المسلم verset 26 pour montrer d'autres exemples. Hein, verset 26 dans sourate Al-Fatih, pour montrer d'autres exemples dans lesquels le terme jahiliya est mentionné, et pour montrer que ce sont des choses blâmables, il parle de hamiyatul jahiliya, et il dit que ça c'est un autre exemple de ce que Allah avait blâmé, hamiyatul jahiliya, et il donne comme exemple pour expliquer al-hamiya de al-jahiliya, c'est qu'est-ce qui était arrivé à l'époque lorsque un homme parmi les Ansar avait eu une dispute avec un homme parmi les Muhajirin. Hein, ils étaient partis dans une bataille pour faire un combat contre les Kuffar et les Mushrikins, puis ils se sont arrêtés quelque part, puis pendant qu'ils étaient arrêtés, il y a eu une petite dispute comme ça entre les Muhajirin et les Ansar à propos de quelque chose. Puis le Ansari, il a dit « Oh les Ansar, venez à mon aide !» Et le Muhajirin, il a dit « Oh les Muhajirin, venez à mon aide !» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les gens dire des choses pareilles, il a dit, est-ce que vous êtes en train de faire l'appel de la jahiliya, hein, alors que je suis en plein milieu parmi vous, hein, alors que je suis parmi vous, vous êtes en train de ramener les appels de la jahiliya, les gens qu'ils appelaient leur tribu ou leur peuple, hein, ou leur groupe contre un autre, hein. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous êtes en train de faire cette da'wah de la jahiliya alors que je suis entre vous? Alors, laissez ça tomber, hein, laissez ça de côté, ça sent mauvais, hein, ça pue, hein. Da'ouha fa innaha muntina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, da'ouha, laissez ça, ça sent mauvais, ça pue, hein. Et donc, de se rattacher de cette manière à une tribu, hein, alors ça c'est pas correct. Yani, parce que, tous les croyants sont des frères. Si quelqu'un, s'il est dans la mosquée ici, quelqu'un dit, ok, les gens de Roubaix, venez m'aider. Et les autres disent, les gens de Tourcoing, venez m'aider. Là, on commence à se battre comme ça, les deux groupes. Ça, c'est Hamiyatul Jahili, hein. Parce qu'on est des croyants à la base, on est des frères. On n'a pas le droit de se diviser par rapport à notre région, comme ça. Il y a des frères qui m'ont dit, ici en France, des fois, il y a des matchs de foot entre certains jeunes comme ça, puis quand il y a des matchs comme ça, ils se battent les uns contre les autres, ou bien ils se font des trucs comme ça les uns les autres, parce que ils viennent de différentes régions. Ceux qui viennent de telle région contre l'équipe de l'autre région, puis là, ils se battent. Ça, c'est la même chose, la jahiliya, hein. Et le chef, il dit, donc, que les croyants sont des frères, il n'y a pas de différence entre le muhajiri et le ansari, et donc la tribu d'un tel ou d'un tel, il n'y a pas de différence, on est tous des frères dans la foi, dans l'iman, et on doit être comme un seul corps, hein, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple en rattachant ses doigts ensemble et en disant « yashuddu ba'duhu ba'dan », c'est-à-dire l'un renforce l'autre, hein, c'est comme ça que les croyants doivent être. Et donc il dit que l'obligation pour les musulmans, c'est de ne faire aucune distinction entre l'arabe et le non-arabe, entre le blanc et le noir, excepté par la piété, excepté par la taqwa. Et il dit que le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. dans le verset 13 dans Surat al-Hujurat, et il dit que les les croyants ne sont que des frères, alors essayez de faire la réconciliation entre vos frères. Donc, de ramener les gens à leur ancêtres, à leur lignée, à leur tribu, et de prendre la fierté là-dedans, ça fait partie des affaires de la jahiliya. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit justement « Man i'tazza bi'aza al-jahiliya fa'a'idduhu bi'huna bihi » Et qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire, si quelqu'un, il prend la fierté, il cherche la fierté dans ses pères et ses ancêtres, dans ses affaires de jahiliya, alors dites-lui de mordre les parties génitales de son père. Et voilà ta kinmu. Et n'utilisez pas kinaya, comme on dit en arabe, kinaya. C'est-à-dire, des fois, on ne veut pas dire un mot parce que c'est un peu... C'est un peu laid, utilisez. Le prophète s'en a dit, n'utilisez pas d'euphémisme, c'est-à-dire dites-le le mot tel quel. Donc, pourquoi? Parce que c'est pour faire comprendre que c'est une affaire laide. Donc c'est ça. Et le cheikh il dit ensuite, « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man mat, wa laysa fi unuqihi bay'a mata maytatan jahiliya. » Donc il donne un autre exemple. Juste un point avant de passer à cet exemple-là, par rapport à la question de distinguer entre les croyants de arabes, non-arabes, blancs, noirs et tout. Des fois, on voit que ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les enseignements qui sont dans le Coran et dans la Sunna, tout le monde les connaît. Tous les musulmans les ont entendus et tout le monde les sait. Mais dans la réalité, il y a très peu de musulmans qui les comprennent et qui les appliquent. Allez, tu vois la haine entre les peuples musulmans, entre les différentes ethnies parmi les musulmans, et donc tu te dis, subhanallah, est-ce que ces versets ou ces hadiths sont juste des slogans que les gens répètent sans y croire, ou bien c'est réel, quelque chose qu'ils croient vraiment et qu'ils l'appliquent, Et donc on a l'impression aujourd'hui, subhanallah, que les gens ont complètement mis de côté l'application et la croyance réelle en ces textes. C'est bien beau de dire on est tous des frères, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe, mais dans l'application, où est-ce qu'elle est cette réalité-là? La réalité, c'est que il y a beaucoup de haine les uns contre les autres. Et des fois, c'est parce qu'il y a un éloignement de l'islam, parce que c'est un éloignement de la foi, les gens sont faibles dans leur foi et dans leur compréhension de l'islam, ils laissent passer leur jahiliya par-dessus, ils laissent leur jahiliya avoir le dessus. Et c'est pour ça que tu vois des trucs comme ça qui se produisent. Et donc il faut y aller travailler là-dessus, pour pas que ce soit juste des théories ou des enseignements qu'on répète, mais que ce soit quelque chose qu'on applique réellement, comme les sahaba à leur époque. Avec comment ils étaient entre eux, avec Bilal ibn Rabah, Suhaib al-Rumi wa Salman al-Farisi, comment ils étaient entre eux réellement, comme des vrais frères, pas de distinction entre eux, aucune, pas juste dans la parole, dans la réalité, dans l'application et dans tous les aspects de la vie. Mais aujourd'hui aussi ça doit être comme ça, que ce soit arabe, que ce soit kabyle, que ce soit africain, que ce soit, même des fois dans des pays musulmans, là, des fois on dit, bon maintenant entre les noirs et les blancs, des discriminations. Les peuples qui sont plus pâles, ils dénigrent ou ils rabaissent les peuples qui sont plus foncés. Ils les considèrent comme étant moins que eux. Ils les méprisent. C'est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est quoi le verset, ou le hadith? بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. Subhanallah. Il dit, ça suffit comme mal pour un individu qu'il ait du mépris pour son frère musulman, ça lui suffit. Un musulman qui a un mépris pour son frère musulman, ça lui suffit comme mal. Il n'a pas besoin de quelque chose de plus. Donc aujourd'hui on retrouve ça. Ça c'est de l'ignorance. Mais des fois même, subhanallah, dans un même pays, des fois des pays africains, deux peuples noirs ou deux ethnies noires, une pense que l'une est meilleure que l'autre. Alors ils sont de la même couleur, ils sont les deux. Mais lui il est de telle caste, lui il est de telle tribu, lui il est de tel prix, et un se méprise par rapport à l'autre. Et on connaît tous le hadith, on connaît tous les versets, mais l'application, on est loin. Donc ça c'est des choses qu'il faut corriger, allez. Et aussi par rapport aux convertis, parfois, qui viennent de qui soient, soit qui sont des Français, ou qui soient d'autres peuples européens ou autres, qui étaient à la base chrétiens, qui sont devenus musulmans, eh bien, il y a aussi cette, des fois, par rapport à des musulmans qui viennent des pays qui sont arabes depuis des siècles, qui sont arabes et qui sont musulmans depuis des siècles, quand ils ont affaire à quelqu'un qui est nouveau dans l'islam ou qui est converti, il y a comme cette barrière, il y a cette « ouais, c'est mon frère, alhamdoulilah, oui, on est des frères, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, l'arabe et le non-arabe », mais dans la réalité, des fois, tu vois qu'il y a une barrière, des fois. Cette barrière-là, il faut la casser, hein. Il faut comprendre que notre fraternité, elle est basée sur « la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Une fois que on est sur ce tawhid, on est sur cet islam, sur cette sunnah, toutes ces autres futilités qui nous divisent, on doit les oublier complètement. On doit les enlever de notre esprit et les jeter dans la poubelle, et plus jamais y penser, et plus jamais les ramener. Le cheikh nous dit ensuite, « وَقَالَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةَ هُمْ أَهْلُ الْفَوْضَى الَّذِينَ لَا يَخْضَعُونَ لِسُلْطَانٍ وَلَا لِأَمِيرٍ وَهَذِهِ حَالَةُ الْجَاهِلِيَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui meurt alors qu'il n'a pas de serment d'allégeance dans son cou, hein, alors il meurt dans d'une mort de l'ignorance, ou il meurt dans un état comparable à l'état dont les gens vivaient dans la jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'il meurt kafir, mais ça veut dire qu'il meurt qu'il n'est pas dans l'état dans lequel il doit mourir par rapport à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les gens de la jahiliya, comme le cheikh il dit, ils vivaient dans le chaos, dans le désordre. Personne ne veut obéir à personne. Tout le monde pense qu'il est le chef. Tout le monde pense qu'il est meilleur que l'autre et qu'il n'a pas à se soumettre à quelqu'un d'autre. Hein? Et ça, c'est souvent la situation qui se passe dans des pays où il y a eu une colonisation. Quand les colonisateurs sont partis, ils ont laissé le peuple comme ça. Hein? Et puis là, quand il y en a un qui prend le pouvoir, les autres disent « mais lui il n'est pas meilleur que moi, pourquoi lui il veut être au pouvoir ?» Hein? Moi j'ai autant de droits que lui ou plus même d'être à sa place. Et donc ils commencent à rejeter l'autorité de ce dirigeant-là et commencent à créer du désordre et du chaos. Ça c'est l'état de la jahiliya. Ils n'acceptent pas d'être sous l'autorité d'un dirigeant ou d'un chef. Ça c'est la période de la jahiliya, c'est l'état de la jahiliya. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans avoir un serment d'allégeance dans cet état-là, alors celui-là, il meurt dans l'état de la jahiliya. Bien entendu, ça c'est pour ceux qui vivent dans un pays musulman. Hein. Après le cheikh, il dit, فَالْحَاصِلْ أَنَّ أُمُورَ الْجَاهِلِيَةِ كُلُّهَا مَذْمُومَةِ وَنُهِينَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ وَالْجَاهِلِيَةِ انتهت بِبِعْثَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة وجاء العلم والإيمان ونزل القرآن والسنة وانتشر العلم وزال الجهل وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة وكلام أهل العلم موجودا فإنه لا جاهلية حينئذ أعني الجاهلية العامة أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان فالجاهلية الجزئية تكون موجودة. الشيخ dit donc, pour résumer tout, il faut comprendre que la jahiliya elle est blâmable en entier, tout ce qui est dedans. Et on a été interdit de ressembler aux gens de la jahiliya dans toutes leurs affaires. Et la jahiliya elle est terminée avec la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de jahiliya générale ou globale, il n'y en a plus, c'est fini. Puisque le Coran il est là, il a été révélé, il est encore présent avec nous, et la sunna il est encore là parmi nous, et les paroles des ulama, elle est encore avec nous, donc le ilm il est là, il est diffusé, il est propagé, et l'ignorance elle est disparue. Hein, parce que aujourd'hui, on a la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala, il la préserve. Donc, tant que le Coran est présent, tant que la Sunna est présente, tant que les paroles des ulama sont présentes, alors il n'y a plus de jahiliya dans le sens de la jahiliya qui est globale et générale. Toutefois, il peut encore rester en certains individus, ou en certaines tribus, ou en certains pays, certains éléments de la jahiliya. Une jahiliya partielle, ou une jahiliya relative, en certains lieux, en certaines tribus, en certains individus, mais la jahiliya générale, globale, il n'y en a plus. Hein? Et le cheikh il donne des exemples, il dit « وَلِهَذَا لَمَّا سَمِعَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ رَجُلًا يُعَيِّرُ أَخَاهُ بِقَوْلِهِ يَبْنَ السَّوْدَى قَالَ لَهُ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ مُؤْنْ فِيكَ جَاهِلِيَّةِ وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنحاية على الميت والاستسقاء بالنجوم فدل على أنه لا تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة ولكنه لا يكفر بها ولكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد ولهذا لا يجوز أن يقال أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود للقرآن والسنة وهذا الإطلاق لا يجوز أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة لشيخ الزيك البروفيت صلى الله عليه وسلم كان entendu un homme qui insultait un autre ou qui parlait d'un autre en disant toi fils de la noire hein, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce que tu es en train d'essayer de l'insulter en le blâmant par rapport à sa mère hein, et la couleur de sa mère tu es un individu en lequel il y a de la jahiliya tu es une personne dans laquelle il y a encore de la jahiliya donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim pour nous faire comprendre que il peut y avoir des individus dans lesquels il y a de la jahiliya en eux certaines manifestations ou certains aspects de la jahiliya en eux. Et il mentionne dans un autre hadith, qui est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, qu'il y a quatre choses dans ma ummah, en fait, il y a quatre choses dans ma ummah qui font partie des choses de la jahiliya que vous n'allez pas abandonner. At-ta'nu fil ansab, des gens qui accusent ou qui insultent les gens par rapport à leurs ancêtres. Al-fakhru bil ahsab, des gens qui prennent de la fierté par rapport à leur lignée ou à leur statut ou leur niveau social. An-nihayatu 'ala al-mayyit, le fait que quelqu'un par exemple, il se lamente, les lamentations lorsque quelqu'un est mort et il commence à crier ou déchirer les vêtements, déchirer les cheveux, griffer les joues, déchirer les cols ou bien comme ils font des fois dans certains enterrements commence à énumérer les éloges et les bienfaits de cette personne et des choses de ce genre, tout ça fait partie de an-niyaha. Wa al-istisqa'u bin-nujum, c'est-à-dire d'attribuer la pluie aux étoiles. Hein. Donc ça c'est des exemples de jahiliya qui existent et qui persistent dans la Ummah. Mais c'est des choses qui existent en certains individus qui sont blâmables, elles n'atteignent pas, il dit, c'est pas des choses qui son kuf, mais c'est des formes de jahiliya. Mais la jahiliya générale, elle est finie, il n'y en a plus, alhamdulillah. C'est pour ça que ce n'est pas permis à l'époque actuelle de dire, comme certains qui disent, on est dans la jahiliya aujourd'hui. On n'a pas le droit de dire ça. Ou de dire, le monde aujourd'hui est dans la jahiliya. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que ça implique qu'on est en train de nier qu'il y ait la présence de la révélation et du message. C'est comme si on niait qu'il y a le Coran et la Sunna présentes. Et on n'a pas le droit de nier ces choses-là. Donc, on n'a pas le droit de dire ça de façon globale comme ça. Le monde est dans une jahiliya, on est dans la jahiliya ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas permis. Mais de dire certaines personnes ont de la jahiliya ou il y a certaines caractéristiques de la jahiliya qui sont présentes, oui, ça c'est permis. On a le droit de le dire. Mais il y a une différence entre entre qu'est-ce qui était avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qui est après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. dans cette partie. On a donc lu l'introduction, une partie de l'introduction, on a presque fini. Puis on va continuer, Inch'Allah, dans la prochaine session, Inch'Allah, la prochaine conférence, Inch'Allah, la suite de cette introduction, puis la mention du premier point parmi les Masail al-Jahiliyyah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته